Il y avait une fois un coyote qui crevait de faim au fin fond du désert. Et puis un beau jour il arriva un oiseau qui courait plus vite qu'un TGV. Le coyote courut après, mais ne put jamais l'attraper. Il y avait une fois un chat gris qui s'appelait Tom, qui chassait des souris. Et puis un beau jour il arriva Jerry, une petite souris toute marron. Tom tenta de la poursuivre, mais il n'y parvint jamais. Par tout le monde, c'est peut-être bien la justice dans ce monde. Et il y avait une fois un vieux loup obsédé qui courait après les filles rousses. Mais quand Droupy arriva, il suivit le loup dans toute l'Amérique. Le loup ne peut y échapper car Droupy est partout. Good dog, man.